C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit François Landry qui vient de faire sa chronique, le groupe Crassi 101. Et on passe au travers avec un peu d'aide de nos amis. Simon Fitzbé, c'est un jeu de mots, c'est Beatles. C'est assemblage requis. I get by with a little help for my friends. C'est une chanson des Beatles, come on. I get by with a little help, my friends. Non? Non? Vraiment pas? Bienvenue à Assemblage Requis, c'est l'émission du matin en pièces détachées. On est le jeudi 18 novembre 2010. Lui, c'est François-Yves Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Tu coopères pas du tout, je trouve. À mes jeux de mots excellents, tu coopères pas. Okay. Non, non. Tu comprends pas non plus. Non, ça. Ben c'est un peu ça j'avais compris. Ben c'est ça. Ben ça prouve que tu comprends pas. Ou ben, que j'articule pas à 7h12 le matin, genre. Hein? Ouais. C'est ça, peut-être. Ouais, Mathieu Plante. Ouais. Peut-être un des deux. Bienvenue à Assemblage Requis. Merci beaucoup d'être avec nous, vous les requins à la maison, dans la voiture où vous soyez. Dans votre lit. Dans votre lit. Ben ça se peut les gens qui mettent le cadran exactement à 7h10 environ ou 7h juste, peut-être. Ouais, exactement. Qui entendent les nouvelles avant. Exactement. Ben, on travaille avec les nouvelles et puis après ça, hein, on vire fou avec Assemblage Requis. On ne peut que descendre à partir des nouvelles de Radio-Canada. Bref, dans l'émission d'aujourd'hui, on a Simon Fitzbé qui continue sa série sur les Beatles, hein, d'où le très, très, très douteux petit bout d'émission qu'on vient de faire. Ça va être la suite de sa série. Ben oui, c'est les Beatles. Qu'est-ce qu'il y a aussi, François Landry avec sa chronique Logocratie 101 qui nous parle de quoi? De rack à basic. Nostalgie du rack à basic. Parfait. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais il donne des titres indices. C'est bien ça, j'aime ça, des titres. Ben, c'est comme une énigme enveloppée dans, ouais, dans une ouais. Devinette. Nostalgie du rack à basic, ça veut dire, en fait, écoute, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est plus quand on était jeune. Ouais. Peut-être on parle de des batailles. Règlement de compte. Ouais. OK, c'est pas... Ouais, ça a bien du sens. On va voir. Ça, c'est, Simon, c'est à 8h et puis François-André à 8h30. Le cousin de Maxime, c'est. Oui, ben c'est ça. Ah, okay. Jusqu'à preuve du contraire, là. Parce qu'il nous dit que non, lui. On va commencer l'émission avec Ariel. Il aime bien ça quand on dit ça, d'ailleurs, qui est le cousin de Maxime Landry. Ça le rend fier. on commence avec Ariel. Voici Fringué pour le kill sur C'est fou. 89.5. C'est fou dans vos oreilles. La meilleure semaine à vie qui se termine aujourd'hui pour nous. Là. Non. La meilleure. Non. Non. Fringué pour le kill, prêt à flinguer pour le thrill, bien sûr. C'est qu'une figure de style, mais qui met sa langue sur l'épaule de ma pile. C'est folle, t'as beaucoup de folle, c'est ça. Cher seul, les jeux d'or. hoping I might forget. Oh, it don't get much dumber. It don't get much dumber than trying to forget a girl when you love her. OK, go, et la pièce Needing Getting, leur album of the Blue Color of the Sky, ici dans Assemblage requis, hein, François-Olivier Marchand? Tout à fait, Mathieu Plante. Oui, est-ce que tu trouves qu'on dit beaucoup nos noms? Ça pourrait être pire, Mathieu Plante. Ouais, mais François-Olivier Marchand, j'allais t'appeler Mathieu Plante. Ça t'irait bien, ce nom-là. Ça aurait été toute une drop pour moi. Ouais, ben là, par exemple, celle-là, je la prends pas. Mathieu Plante, c'est toi. Ouais. Moi, c'est François-Olivier. Oui, c'est ça. Ta barbe avance bien. Je trouve qu'elle commence à s'égaliser partout. Hein? Ah, même, je commence à être tanné pour vrai. Ouais. Hey, T-Bone hier, il était tanné lui aussi. On a appelé T-Bone hier. Ouais, tout à fait. Et puis, parlant de ça, écoute, je me suis réveillé ce matin, j'avais un message okay. sur mon cellulaire. Et c'était Guy qui nous avait envoyé sa photo. Guy! Il dit « Allô, mec, comme prévu, comme promis, désolé. » Donc, on va mettre sa photo aussi sur le site internet d'Assemblage requis. Oui. Est-ce que, en fait, là, je sais pas, j'ai pas retourné sur le site d'Assemblage requis. Sur le site, non, mais si tu vas sur Flickr.com, et puis c'est Fou FM, elles sont là en ce moment. C'est la seule place où j'ai pu les mettre. Flickr.com. Et puis que tu tapes C'est Fou FM dans la boîte de recherche, ça devrait t'amener. Est-ce que ça t'amène? C'est fou, espace FM? Ouais, mais ça peut, ça marche pas. Ben, on dirait qu'Internet ne fonctionne plus. Ben, ça va très bien. Les ordinateurs vont toujours très bien. Parce que le mien, je parle pour le mien. Ouais. Non, mais tu sais, c'est généralisé, je pense. Oh non, ça fonctionne. Boy. Colin. Juste un peu lent ce matin. Et Colin, c'est le fun. En tout cas, bref, je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com. J'y vais dans les prochaines secondes. Pour l'instant, on va aller retourner en musique. On va entendre un petit peu de Jérôme Minière, pourquoi donc pas, avec la pièce Des pieds des mains. Et puis après ça, un petit peu d'Alex Nevsky aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça, en fait. Est-ce que les photos vont être disponibles sur assemblagerequis aussi?

QEPC. Ensuite, on joue à du devine qui était mon premier choix de la soirée. Tu penses à tes billes, ça te le pense toi. T'es dans les journaux, tu couches avec moi. Tu dis que t'es marié, mais là ça compte pas. Ça compte pas. Tu penses à tes billes, ça te le pense toi. T'es dans les journaux, tu couches avec moi. Tu dis que t'es marié, mais là ça compte pas. Ça compte pas. Omnichrome, avec la pièce vedette. D'ailleurs, on peut entendre le chanteur de The St. Catharines. Oui. Chanter avec Omnichrome. Oh, ben qu'un. Ben qu'un. Hey, Matt, je te parle d'une petite histoire qui attriste beaucoup de gens chez nos voisins du Sud. Je t'explique, en fait, c'est un employé d'un refuge pour animaux dans le comté de l'Arizona. Arizona, jusque-là, je te suis, oui. OK. Qui a été suspendu pour avoir euthanasié par erreur un chien. Par erreur un chien. Mais ce n'est malheureusement pour lui, pour l'employé, en fait, ce n'était pas qu'un simple cabot ordinaire. C'était un super chien. Écoute, le chien avait passé à Oprah Winfrey. À l'émission. Et le même chien, en fait, là, écoute, Target. Le chien s'appelle Target. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et puis, Target, en fait, avait empêché un kamikaze de s'introduire dans un baraquement en Afghanistan et où se trouvaient 50 soldats. Donc, il a forcé le kamikaze à se faire exploser à l'extérieur du bâtiment, ce qui a sauvé beaucoup de vies. Donc, malheureusement pour... Je trouve ça un peu drôle pour lui. Oh, l'employé du refuge pour animaux s'est fait suspendre. Je t'explique un peu l'histoire. Le chien s'est véritablement sauvé du... en fait, c'est pas sauvé, c'est échappé du jardin du soldat. Ça, en fait, d'après moi, c'est comme un petit refuge pour les animaux qui reviennent de la guerre. Okay. Ces trucs-là. Et puis qui a été récupéré par le refuge local pour animaux. En fait, comme la SPCA ici, Trois-Rivières, si on veut. Et puis, en fait, par erreur, l'employé a pris le chien et l'a endormi. Il n'était pas prévu qu'il soit mis à mort. L'employé n'a pas suivi les procédures normales, a regretté dans un communiqué la direction du chenil, qui a d'ailleurs envoyé son employé jusqu'à nouvel ordre et ordonné une enquête. Et en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de gens se disent... ils disent provoquer l'émotion parmi les défenseurs des animaux aux États-Unis. Ouais. Eh boy, un pauvre gars. Pauvre gars. C'était-tu pas le bon chien, tu penses? Non, hein. Comme une erreur qui coûte un petit peu cher. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Quand tu dis que le chien a passé là, à Oprah Winfrey. Là. Ouais, hey. Ouais, c'est vraiment à cause d'Oprah Winfrey qu'on est fâché qui a été tué. Non, mais tu sais, en fait, ça a publicité. Puis en fait, c'est ce qui provoque aussi la nouvelle. Là. Ouais. J'imagine que c'est à pas passer là. Probablement que je serais pas en train de vous compter non. Ça. Mais le chien aurait été un héros quand même. J'imagine. Malgré son apparition, peut-être. Oui, un héros. Mais il existe plusieurs héros. Héros. Héros, mais on les connaît tout simplement pas. C'est ça. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura un gala hommage aux chiens héros. Peut-être. Puis on les connaîtra, non? Les autres. Parce que là, il y en a juste. Je n'en connais pas beaucoup d'autres. Là. C'est pas assez. OK. Donc, Assemblage Rocky continue jusqu'à 9h. C'est l'émission matinale en pièces détachées. On s'en reporte. Hier, dans le poste d'écoute, tu te rappelles, on a écouté Vidéoville. Ça, vaguement, ça te... Non? Pas vraiment? Voici Gamera. Non, j'ai écouté... oui, j'ai aimé ça. Ouais. C'est le fun. Super. Yes. All right. up early. Tip of my hairs tickles my brain as they grow here and there. Inside my head, now my thoughts become curly. As I think I must wake up early. Wavingan et Bonne nuit mon cœur dans Assemblage requis version acoustique. J'aime beaucoup cette pièce-là. Oui. Ouais, vraiment bon. Ben, c'est une des meilleures pièces, je pense. Moi, en tout cas, de mes préférées jusqu'à maintenant, ici à C'est fou. De tous les temps, selon moi. À mon avis. J'ai un bon avis. T'as un bon avis. C'est ça. Je l'aime bien, cette vie-là. T'as un bon avis. T'as une belle journée, Mathieu. Ah, la meilleure du monde, évidemment. Vous voyez que tout va très, très bien. L'émission sonne pas du tout comme elle sonne d'habitude, mais c'est même pas grave parce qu'on a du plaisir. Oui. Puis plein de contenu. C'est ça, exactement. C'est ça. Ben, en fait, le contenu va arriver un peu plus tard, mais bon. Oui, écoute, la deuxième heure va être remplie de contenu. La première heure, ben là, ben, ça, c'est une autre chose. T'sais. Des choses qui arrivent. Ça arrive, c'est le même. Donc, écoute. Ouais. Écoute, parle de ça. Écoute, petit gars. Man, dude love. Dude love. Parle-moi de ça. Ouais. Hey, Matt, Gaslight Anthem qui a changé une nouvelle pièce au palmarès. Oui. Palmarès, d'ailleurs, que tu vas animer tantôt. Ben, quinze, j'espère que ça va bien aller. Entre 2h et 5h, 14h et 17h. Supposé. Ben oui, ça va. Bah, ça va bien finir ta journée. Le temps est long, fait que d'ici là, il va se passer plein d'affaires, ça. Et Mathieu. Gaslight Anthem. Quelle pièce qu'on écoute donc qui est sur le palmarès? Écoute, c'est vraiment une très belle émission. Donc, nouvelle pièce de Gaslight Anthem, oui, tu disais? Oui. Du côté anglophone, j'imagine. Oui, qui a fait son entrée. Je pense qu'il doit être au 17e ou 16e rang. Ça aurait été bien de regarder ma page. Hein? Oui, Gaslight Anthem, c'est en 18e place avec la pièce Bring It On. Et puis, c'est la troisième du CD. C'est la troisième du CD. Ben, c'est merveilleux, ça. Pas mal de ça, toi. Vous êtes à l'assemblage requis. Attention, on va faire un petit jingle live version acoustique. OK, t'es prêt? Attends, un, deux, trois, quatre. Assemblage requis pour toi demain. Ah, franchement, Golo, ça aurait été d'orbeau si on avait chanté comme ça. My queen of the Bronx, blue eyes and spitfire. I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may wanna leave. So give me the fevers that just won't break, and give me the children you want. Tell me about the cool he sings you in those songs. If it's better than my love, then bring it on and take it back out to the streets where you know you used to be. For the Romeo. never know. And you say the night just got too cold. Well, everybody's cold. Who's gonna keep my baby warm? Who's gonna keep my baby warm when everybody goes? So give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell me about the cool he sings you when he knows songs. If it's better than The Gaslight Anthem et la pièce Bring It On. Et, très bonne pièce, je l'aime bien celle-là aussi. Oh wow, mais la musique est ressuscitée. It's the day the music resuscitated dans l'arrière de nous. Thank you, Mathieu Plante. Ah, fait plaisir. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a une deuxième tout à l'heure et là, le contenu s'en vient. Là, il n'y aura plus de... Il y aura plus... La première heure, là, oubliez-la, là. Deuxième, là, elle va être vraiment très, très bonne parce qu'on va avoir François Landry vers les 8h30 avec sa chronique politique. Mais avant ça, Simon Fitzbé s'en vient dans les prochaines minutes avec sa suite de la série sur les Beatles. Dans Phénomène. Hein? Tu vas être là, toi, ça va être bon, ça, ça va être bon. Je vais être là, puis je vais être là jusqu'à 9h. Puis je vais être là lundi prochain, puis je vais être là mardi, puis je vais être pendant là pendant 16 autres émissions, c'est ça que tu me disais? Tout à fait. Ça a pas l'air du tout d'une sentence quand t'en parles en jour comme ça, hein? C'est fou ça. 89.1. Tu dis que ça me donne le goût de danser, hein? Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce jeudi 18 novembre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Un peu plus de bonne humeur que tantôt. Ah, doit-on le rappeler à chaque instant possible? Non. Le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Mais bon, ça fait la fin. Oui, c'est ça. Ben, on est de retour et puis les choses vont bien, les choses roulent. D'ici la fin de l'émission, on va parler de politique. Mais avant ça, on va accueillir notre ami Simon Fitzbé. Parce que Simon, chaque semaine, vient nous rejoindre en direct, en studio, pour parler, pendant tout le mois, des Beatles. Donc voici sa chronique Phénomène. Bon matin, Simon. Bon matin, messieurs. Bonjour, bonjour, monsieur Fitzbé. Ça va bien? Très bien, ça vous? Va, toi, ouais. Oui. Ouais. Oui, ça va. Les technologies vont bien, les ordinateurs roulent à merveille. Oui. D'accord. Ça, jusqu'à maintenant, ça va bien. T'es un chanceux? Oui. Donc, Phénomène qui est ta chronique sur l'histoire du rock en général. Effectivement. Les gens qui ont bâti le rock. Mm-hmm. Et puis là, tu parles des Beatles pendant tout le mois de novembre. C'est la troisième partie cette semaine. Oui, troisième partie de cette histoire des bidules, si on veut. Oh, bidules. Avec Jean Lenon, Paul Mercantil, Georges Hérisson et Ringo L'Étoile. J'aime ça. Ah, c'est quand même bien. Ouais. Oui, on est rendu à la troisième partie de cette série de quatre. La semaine dernière, ce sera la semaine prochaine plutôt. Ce sera bien sûr la dernière. Et la semaine dernière, on s'était quitté avec le lancement de Rubber Soul, un album qui allait non seulement changer l'orientation musicale des Beatles, mais également celle de l'industrie de la musique avec un bon mélange de folk rock qui ont tous été écrits, en fait,

Et donc, c'était la pièce de Fool on the Hill dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis, où on parle des Beatles. Et la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode, en fait, sur les Beatles, où on parlera des Beatles en blanc, des chicanes de Get Back et The Hand. Les chicanes. Les chicanes. Il y en a eu de ça. Eh oui, des chicanes, des coups bas. Ça fait penser, est-ce que tu vas avoir un épisode sur la chicane bientôt, par exemple? Ah, c'est sûr, ça. On va toucher à la chicane. Yeah. Et boum. Boum. Danny. J'adore ça. Merci, Simon. Mais ça fait plaisir. Oui, merci de m'avoir reçu. Toujours aussi convivial. C'est toujours un plaisir. Mais oui. Ta présence est appréciée. Ouais. Ouais, merci. On te retrouve donc tout à l'heure dans ton Simon Fétidé, qui est tous les jeudis ici assez fou. Ouais. Le matin avec Phénomène d'Assemblage requis, le midi avec le Scout des Internets. Oui. Scout des Internets. Internet. On va d'ailleurs parler des Beatles ce midi. Ben j'imagine, hein, c'est comme la super grosse nouvelle, super gros buzzé et hypé en début de semaine, comme ça allait être. Est-ce que tu as vu le site d'Apple? Oui. C'était quelque chose que vous allez retenir pendant le reste de votre vie, vous allez vous en souvenir tout le temps. Oui, ben oui, je vais m'en rappeler, c'est sûr, je me rappellerai jamais de ça. c'est un beau coup pour faire de l'argent. Bravo, ah, hein? Tout à fait. Moi, je m'attendais à quelque chose avec iTunes, parce que c'était marqué iTunes dedans, je m'attendais à quelque chose de le fun, genre peut-être pouvoir écouter sa musique d'iTunes sur n'importe quel ordinateur en stream, peut-être. Mettons, ça va venir, mais c'est pas mal moins impressionnant. Ouais, c'est pas pour tout de suite, en fait. Je vais te laisser en parler avec Danny ce midi dans le scout des internets. Je garde mes opinions pour moi, hein. La technologie, moi, je connais pas ça. Ça fonctionne pas bien avec Mathieu. Non, c'est ça. Tout ce que je touche, Simon, ne me touche pas. Ce que t'aurais sûrement pas fait de toute façon, mais ne me touche pas. Parce que je risque de te tuer comme je tue la technologie. Il va falloir que je reboot mon OS. C'est si ça. Je te touche. Donc, à 21h, c'est ton émission. La saveur du moment. Elle a pas de chanson, par exemple. Je pourrais t'en chanter une live comme ça, mais ça vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Oui, là, ça me fait penser. La saveur du moment. Oh. La saveur du moment. Mais c'est un petit peu sur la même musique que le scout des internets. Non, mais non, il y a comme quelques syllabes de moins, fait que c'est comme une variante. Ouais, ouais. On aimerait ça que tu nous fasses un rap plus. Un rap? Ouais. Saveur du moment. Non, je sais pas. Je suis pas rappeur. Hein. Merci de. Non. Non, le rap, c'est pas pour moi. Je n'ai pas la boulette. Je n'ai une pas. Grosse boulette. C'est ça. Je n'ai pas le. Comment t'appelles ça? C'est. What up, bro? Le flow. Le flow. Right. Flow ride, hein? Cool. Je connais pas les termes non plus, hein? C'est. Les termes du rap, là. J'essaye. Je commence, moi. J'essaie de montrer mon street cred. Pour l'instant, tu ne fais que des featuring, c'est ça? Ouais, exactement. Je fais ça des ha-ha. Derrière. Pro, pro! Bon. Donc, Assemblage requis qui continue jusqu'à 9h. Merci, Simon. Félicitations pour tout ce que tu fais et puis hommage. Ouais, merci. Hommage. Ça finit bien, hein? Fromage. Fromage, comme ils disent en anglais. Ouais. Fromage. Dans mon coin, on dit fromage. Fromage? Ouais. Moi, okay. Du fromage. Du fromage. Ouais, ça s'écroule en grain, tout ça. Fromage en grain. C'est un petit peu de jus, comme le lait. Ou si j'ai plus de texte, là, oublie ça, je suis plus capable de. Ça dérape. Ouais. Totalement. Nous autres, on n'a jamais de texte, fait que t'imagines comment on n'est jamais sur la piste. jamais. Mais on risque toujours d'atterrir aux alentours de 9h. Ah, on atterrit. Ça, pour atterrir, on atterrit. Ça atterrit peut-être pas doucement. Pas de train d'atterrissage de sortie. Non, non. C'est rough un peu. Ça rebondit, puis. Bon, ouais. Mais c'est ça. C'est le dos à Mathieu. T'en sors, c'est sauf. Bon, c'est le dos à Mathieu, oui. Une autre affaire qui marche plus. Penche-toi. Tout à l'heure, on reçoit François Landry pour parler de politique. T'as-tu dit « penche-toi » Continue. T'allais un petit peu loin. Un petit peu loin. Si on va atterrir sur ton dos, faut faut quand même bien que un tu jour, sois à l'horizontale. Un jour, je t'aurai, François. François Landry, politique, avec Logocratie 101 tout à l'heure. Il nous parle de la nostalgie du rock ABC. Et Simon va rester avec nous pour en parler. Donc, ça va être bon. Mm-hmm. Ça va être granuleux. Mm-hmm. Il va ramener ça sur la piste, je suis sûr. Mm-hmm. Si on écoute Beck, les gaz, c'est vous là, les gaz? On écoute. Voici Ghost Strange, E-Pro. C'est un. Je pense que c'est sur l'album de remix, Gerolito. Take you're up on my love road. Shoot your mouth, you know you're home. And don't forget to pick up what you sow. Talk your trash to the garbage around you. Qui est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage Requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Oui, vous êtes bien à Assemblage Requis. Il nous reste encore, quoi, 25 minutes à l'émission? Oui, une bonne demi-heure. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait d'abord avec cette demi-heure-là? Qu'est-ce qu'on va faire pour remplir ça? On pourrait rejoindre M. François Landry. Est-ce que tu es en train de dire que François Landry, c'est un remplissage d'émissions? Oui, non, mais quel manque de respect! S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. tel la guimauve et le petit jet de chocolat sucré dans un Whippet. François Landry arrive pour nous parler de politique. Seigneur, les gars. Un peu d'imagination pour m'introduire, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, tu nous parles de la nostalgie du rack à Bessic. On se demandait qu'est-ce que ça veut dire. Oui, mais je pense que vous l'avez découvert ce matin en ouverture d'émission, mais je vais vous le mettre en pratique là parce que je vais vous envoyer une mise en demeure pour deux choses. Vous arrêtez pas de m'associer à Maxime Landry. Ouais, ouais. Et vous arrêtez pas de m'introduire de façon peu conviviale. Donc, je déteste ça. Je vous envoie une mise en demeure plutôt que de faire comme dans le bon vieux temps, aller au rack à Bessic à 3h15 puis se tabocher jusqu'à temps qu'il y en a un des deux qui crie « Maman, maman! » Ouais. « Maman, maman! » Je pense que tu gagnerais pas mal. On pourrait voir à ça. Mais oui, nostalgie du rack à Bessic, parce que je me suis dit, dans le bon vieux temps, on voulait régler les problèmes, on allait dans le cours d'école au rack à Bessic à 3h15 après la sonnerie des classes, un bon coup de poing, et c'était réglé, le lendemain, on jouait ensemble au ballon chasseur. Ben oui, c'est vrai ça. Hein? C'est vrai ça. On expédiait notre frustration d'un seul coup, puis c'était réglé, puis bon, fini, merci, bonsoir. Pour certains, c'est notre première performance devant public. Oui, un bon spectacle à l'époque. Mais ça dépend de quel côté que tu es. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est toujours je t'aime pas, t'as un cheveu croche, t'as un petit peu de rouge à lèvres qui dépasse, mise en demeure, tout. Rétractation. Non, c'est ça, exactement. On a peur d'avoir mal, je pense. Oui. On a peur de. Mais, pas qu'on a peur, mais on a la mise en demeure facile. Peu importe ce qu'on dit, ce qu'on fait, il y a toujours quelqu'un qui va se sentir lésé dans son droit de vivre tout croche et de dire. Bon, ben moi, j'aime pas ce qu'il dit, mise en demeure. Et on en a eu l'exemple cette semaine, juste lundi, 3 mises en demeure politiques. Juste lundi. Fait que ah, c'est l'enfer. Là, lundi soir, j'écoutais le bulletin de nouvelles, puis un journaliste qui a dit « On n'est que lundi. » Habituellement, ça se déroule sur 2-3 mois. Là, c'était lundi, 3 mises en demeure, bang, bang, bang. Puis je vais vous les résumer. Et c'est les 3 mises en demeure qui ont fait la une de tous les journaux pendant toute la semaine. Et encore aujourd'hui, tous les journaux du Québec en parlent. Demain, ils vont en parler. Samedi, ça va être l'explosion. Et la semaine prochaine aussi. Donc, on n'échappera pas à ça. Je vais commencer par la plus, disons, la plus anodine. Pas en termes de montant ou de gestes faits, mais de... ça nous concerne moins ça à Trois-Rivières. C'est le fameux maire Régis Labeaume, le chef à Québec. Il a été il a reçu une mise en demeure de ses syndiqués, de ses fonctionnaires, pour 1,5 million de dollars. T'as pas compris pourquoi? Ça, vois-tu, je le savais pas. Oui, parce qu'il a traité ses fonctionnaires d'incompétents. Bon. Il a dit en public, mes fonctionnaires sont incompétents. Parfait, le syndicat des fonctionnaires a dit, on se rétracte, 1,5 million de dollars en dommages et intérêts, plus de dédommagement moral. Donc, chaque syndiqué devrait recevoir 1 500 dollars. Donc, ça s'en va en cours. Mais la bombe n'est pas à sa première mise en demeure. Mais est-ce qu'il s'est excusé, non? Ben, pas en tout. Non, mais la bombe n'est pas du style. Il n'est pas du style à plier. Lui. Puis les gars, ils continuent à être incompétents pareil. Mettons qu'ils sont, s'ils le sont. Dis pas ça, Mathieu, tu pourras recevoir une mise en demeure du syndicat. Mais s'ils le sont. Et puis 1,5 million. On n'a comme pas les moyens. C'est pas les syndiqués, c'est les cadres. Ouais, ben, ils sont syndiqués. Les cadres sont syndiqués. Oui, les cols blancs sont syndiqués. Faudrait le dire à Régis parce qu'il disait que c'était les cadres puis que ça touchait pas au syndicat. C'est le syndicat des cols blancs qui réclame par voie de grief. Donc, oui, c'est les cadres, les fonctionnaires, mais bon, ils sont syndiqués là-bas. Ce recours vient s'ajouter à un grief de 3 millions de dollars déposé en novembre 2008. Donc, on l'additionne, ça fait 4,5 millions. Après que le maire eut qualifié des employés municipaux de fourreurs de système. Donc là, c'est les employés municipaux qui ont dit là, ça va faire 3 millions. Un arbitre du ministère du Travail devrait trancher, mais il n'a même pas encore commencé à écouter les deux parties. Donc, ça traîne. Et c'est pas fini pour le maire Labeaume. En octobre 2009, le même syndicat disait vouloir déposer un autre grief en harcèlement après une entrevue du maire dans laquelle il disait vouloir inspirer une saine crainte dans toute l'organisation de la ville. Le maire s'est défendu à l'époque en disant avoir été mal cité. Donc, le maire Labeaume, il est comme dans... L'économie. Oui, ça va relancer l'économie de la ville, du moins. Ensuite, le fameux maire de Laval, Gilles Vaillancourt. Moi, ça, j'en reviens pas. Hein? T'en reviens pas? Non. Moi, ça me fait capoter. Puis en plus, c'est ça, il a déposé une mise en demeure. Ouais. Concernant Serge Ménard. Serge Ménard et Auclair, le député Vincent Auclair de Vimont, donc de la ville de Laval. OK. Pour reprendre l'histoire, Il y a Radio-Canada, ça faisait un an qu'il enquêtait sur, justement, des allégations, donc des rumeurs. Des oui-dire. Des oui-dire, et, etc. sur des dépôts de vin, un mal financement des partis politiques. Et puis, le journaliste en question a appelé Serge Ménard pour dire « Si tu me confirmes pas l'information, je la sors parce que j'ai d'autres preuves comme quoi tu es impliqué. » Donc, Serge Ménard, qui, à l'époque, en 93, était candidat pour le Parti québécois dans une circonscription de Laval, pour, bon, devenir député, mais le maire Vaillancourt, qui est un libéral, ça, de la grande famille libérale, aurait offert de l'argent. Combien? Peut-être 10 000 $ on ne sait pas trop. Ben, c'est ce qu'il parle, 10 000 $ C'est ça, c'est chiffron, là, disons ça. 10 000 $ à Serge Ménard, tout simplement pour dire une campagne électorale, ça coûte cher, tu sais, voulait une contribution. Et là, Serge Ménard dit « Wow, wow, wow, wow. » Lui, c'est un homme de loi, c'est un avocat. Il a dit « Il y a des lois qui existent au Québec, c'est 3 000 $ Tu signes un chèque, Gilles Vaillancourt... » Ton nom va paraître. Un don, ton nom va paraître, on va être légal, puis merci beaucoup pour le 3 000 $ Et là, Gilles Vaillancourt a dit « Non, non, non, moi, c'est, je veux pas que mon nom apparaisse. » Fait que Serge Ménard s'est tu pendant toutes ces années, depuis 93, il en a pas parlé. On apprenait le soir même du reportage à la télé qu'un autre candidat, toujours dans une élection partielle, mais cette fois du Parti libéral du Québec, aurait aussi été approché par Gilles Vaillancourt pour un don d'un montant X, on ne sait pas. Pour lui, c'était en 2002, donc Serge Ménard en 93 et Vincent Auclair en 2002. Ce serait fait faire le même procédé par le maire Vaillancourt. Donc là, ils ont dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il l'aurait accepté, lui? Non, il a refusé sur le champ, mais il s'est tu. Il n'en a pas parlé, même pas à son chef, Jean Charest. Il était même pas au courant. Donc, Vaillancourt, qui, soit dit en passant, en fin de semaine même, alors que le scandale sortait, aurait participé à un grand bal viennois avec le maire Vaillancourt. On le voit sur des images, tout avec le gros screw, les manteaux à queue, là, puis le grand haut de forme, tu sais, les grands bals aristocratiques, mais à Laval, t'sais. Et bon, les jeux de mots avec le roi de Laval ressortaient parce que maire Vaillancourt, il est en poste depuis 1989. C'est ça qui est. Aucune opposition, il est maire à vie, si vous voulez. Donc là, ça sort et là, immédiatement, tous les députés du Parti libéral qui proviennent de l'île de Laval, donc les six circonscriptions sur l'île de Laval, ont dit on va signer un communiqué de presse commun. On va sortir pour demander au maire Vaillancourt de se retirer le temps qu'on en fasse pas une enquête, mais qu'on vérifie. Tu sais, aller au fond des choses. Oui, exactement, sans une enquête officielle. Et puis là, il voulait sortir ça jusqu'à temps que Jean Charest dise non. Vous rentrez dans les rangs, nous autres, on appuie notre candidat, on n'appuie pas le maire. Il l'a pas dit clairement comme ça, il a juste dit j'appuie mon candidat, le maire qui se débrouille. Que là, ça démontre qu'il y a une dissension au sein du Parti libéral là-dessus. Parce que la grande famille libérale, j'aime ça appeler ça de même, là, parce que ça va venir sur mon troisième sujet tantôt, la grande famille libérale sont très forts à Laval, justement, et dans la périphérie de Montréal. Et Montréal, même sur l'île, dans le coin plus anglophone, donc Westmount. L'ouest et le sud, là. Côté géographie, moi je suis carrément nul, mais tous les noms qui ont une consonance anglophone, c'est libéral. Tandis que le nord et l'est, c'est plus péquiste, c'est plus québécois de souche ou travailleur. Donc là, dissension au Parti libéral, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Hier, l'opposition demandait que Laval soit mis sous tutelle. Donc, que ce soit le ministère des Affaires municipales qui gère la ville pendant qu'on fasse la lumière là-dessus. Je pense qu'on trouverait pas mal d'affaires sur Laval, en fait. Ouh. Depuis le temps qu'il est là, ben, tout ça, ce que tu dis, c'est des allégations. On le sait pas. Pour l'instant... Diffamation. Et c'est pour ça que le maire Vaillancourt a envoyé une mise en demeure pour diffamation à Serge Ménard et Auclair, parce qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve, mais c'est un contre l'autre. Oui, c'est la parole d'un contre l'autre. Et là, le ministère des Affaires municipales a dit... C'est une tentative de corruption, c'est pas la corruption. Si les gens avaient accepté l'argent, il y aurait eu corruption. Mais là, c'est une tentative et il n'y a pas de loi. Mais c'est illégal, non? Il n'y a pas de loi au Québec qui parle de tentative de malfinancement. OK, donc tu peux essayer. Tu peux essayer. Ah ouais, tu peux essayer. Puis si ça ne fonctionne pas, ben t'es correct. Il y a juste ton nom qui est sali en public, mais aucune loi peut te pénaliser. Et si c'est bien n'importe quoi. Ben, je suis d'accord. C'est vraiment n'importe quoi pour moi. Je suis d'accord avec toi. Je pensais qu'il y avait une loi, j'étais certain. Non, c'est l'éthique. Là, c'est l'éthique qui rentrera en ligne de compte. Il n'y a pas de code d'éthique dans les affaires municipales pour l'instant. Tout le monde en réclame une loi, sauf le Parti libéral, sur l'éthique dans les affaires, dans les milieux municipaux. Donc, comme à Trois-Rivières, le maire a prêté sa voiture de fonction à son fils. On a fait un accident. Oui. Il n'a pas le droit. Là, il s'est fait taper ses doigts par le DGE. Mais c'est pas les affaires municipales. Les affaires municipales, s'il y avait eu un code d'éthique, il aurait dit « t'as pas le droit, t'es obligé de rembourser, de t'excuser et même peut-être de démissionner. » Parce que t'es sorti du cadre. Mais il n'y a pas de code d'éthique, donc ils peuvent pas le faire. Et là, on en vient justement, on parlait du Parti libéral qui est dans l'eau chaude à cause de l'affaire Vaillancourt. Gérard Deltel, vous avez promis la semaine dernière de faire un compte-rendu du congrès de l'ADQ à Granby. Il y a deux choses qui sont sorties de ce congrès-là. Le taux de vote, le taux de confiance accordé à Gérard Deltel, 97%. Moi, j'appelle ça un régime stalinien, c'est un vote stalinien. Où t'as pas le choix de voter pour Deltel ou tu votes pour Deltel. C'est Staline sur 5-6 personnes, fait que c'est pas si pire que ça. Alors, exactement, donc il y a 5 personnes et demie sur 6 qui ont voté pour... J'avoue que dans cette optique-là, ça change un peu la donne. Il y avait 400 personnes officiellement. Eux autres disent qu'ils ont 15 000 membres au Québec. C'est faux, ils en ont 5 000. Chiffre à l'appui, dans les rapports annuels de chaque année, on sait qu'en même temps là, ils ont 5 000 membres, donc... Et combien quand on participe au congrès? C'est ça. Il y a moins de 400. Okay, c'est ça. Fait que 97. Mais bon, je parlerai pas du congrès de l'ADQ. Je vais plutôt dire qu'est-ce que dit Gérard Deltel pour faire la une de tous les journaux pour dire « Hey, à l'ADQ, on existe encore. Hein. » Parce qu'il y a eu la brillante idée d'écrire un texte. Donc, c'est pas sorti de même. Il l'avait écrit. Il l'avait écrit. C'est un discours dûment écrit où il parle de la grande famille libérale et il parle d'une sorte de... pas de mafia, mais de... hiérarchie. Ouais, exactement. Aux politiques douteuses. Et il s'en va qualifier le premier ministre, le chef du Parti libéral, de parrain. Hey, là, Jean Charest le prend pas du tout. Il dit qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là. Il s'est pas sorti de nulle part. Il l'a écrit. Donc, c'était voulu, c'était intentionné. Donc, lundi matin, Jean Charest envoie une mise en demeure à Gérard Deltel pour qu'il se rétracte, pour qu'il s'excuse en public. Il donnait jusqu'à mardi 17h. Là, donc, toute la journée de lundi et mardi, c'était « Qu'est-ce que va faire Gérard Deltel? » S'il recule, il perd la face. Et s'il refuse de s'excuser, il est peut-être mis en demeure. Mais ça, c'est très mal connaître Jean Charest. Parce que Gérard Deltel a non seulement refusé de s'excuser, mais il en a rajouté. Il a confirmé que oui, c'est un parrain, j'assume très bien mes paroles, puis je l'ai dit, je l'assume, puis c'est fait, on passe à autre chose. Pourquoi il était si sûr de lui? Parce que Gérard Deltel, quoi qu'on en dise, c'est un historien de formation, donc il a la mémoire assez grande et assez longue. Je me souviens que que Jean Charest est très mal placé pour envoyer des mises en demeure et mettre à exécution ses menaces. Faut pas oublier qu'il y a quelques années, il avait traité Elsie Lefebvre, une députée du Parti québécois, de maudite chienne. Jean Charest avait traité maudite ça. Maudite chienne? Maudite chienne. Ah ouais. Et là, le Parti québécois avait envoyé une mise en demeure pour qu'il se rétracte. Il s'était excusé. Donc, première faute de Jean Charest. Et il l'a dit, mais il s'est excusé. Donc, faute pardonnée, moitié excusée, là, l'expression de même. Là. Proche. Ah, ça ressemble à ça. Ensuite. Maudite chienne. Ouais. Faute avouée, moitié pardonnée. Hey, c'est ça. Merci, Mathieu. Donc, il avait aussi poursuivi. Il poursuit présentement Marc Bellemare, vous vous en souvenez, l'histoire du procès. Ben, pas du procès, de la commission d'enquête. Il traîne en justice pour 700 000 $ pour diffamation. Ben, d'ailleurs, Marc Bellemare a fait la même chose aussi. Ouais, pour, aussi. Ben, ça se réplique pour ça. Deux négatifs, ça nulle à un moment donné, donc ça devient positif, qu'on verra bien le positif là-dedans. Ensuite, il avait poursuivi la ministre péquiste Agnès Maltais, qui l'avait accusé de favoritisme dans la vente du zoo de Québec. Donc, Jean Charest va envoyer une mise en demeure. Il n'y a rien eu. Ça tombait à plat. L'an dernier, c'est Sylvie Roy, la députée d'Andéquiste, qui avait dit... qui avait eu des allégations avec Tony Accurso, tu sais, le gros bateau, là, où tout le monde veut aller dessus. Jean tout Charest, le monde y a été. Ouais, à part nous autres, peut-être. À part nous autres, on était cheap, nous autres, on est des. Peut-être pas aussi des flas qu'on le prétend. Donc, Jean Charest va avoir une mise en demeure. Ça a tombé dans l'oubli. Ensuite, l'ancien péquiste les anciens députés péquistes de Joliette et de Drummond, Jonathan Valois et Normand Jutras, ont été aussi mis en demeure par le Parti libéral de par le passé et c'est tombé dans l'oubli. Donc, Jean Charest fait des menaces pour montrer qu'il est solide, qu'il est fâché, mais il n'en met aucune en application. Parce qu'une mise en demeure, ça n'a aucune valeur légale s'il n'y a pas de poursuite judiciaire associée à la mise en demeure. Donc, je pourrais, moi, vous envoyer une mise en demeure pour me traiter de frère de Maxime Landry. Cousin! Là-bas, c'est des cousins. Mise en demeure tout de suite. Non. Mais écoute, je viens pas de là, je le sais pas. Mais. Tu vas avoir l'ensemble de la Beauce contre toi. Non, c'est clair. C'est, mais... ben, Maxime Bernier me fait pas peur. Mais non, ben oui, je pourrais vous envoyer une mise en demeure pour ça. Mais s'il n'y a pas un avocat derrière moi qui dit je vous poursuis avec une accusation, il n'y a rien. C'est un papier, peu importe quoi. Donc, ça importe peu. Donc, Jean Charest l'a fait. Et c'est tombé dans l'oubli cette semaine à cause de l'histoire du maire Vaillancourt et du Fédération des travailleurs du Québec qui a changé son fusil d'épaule pour la demande de commission d'enquête sur la construction. Donc, la mise en demeure va tomber dans l'oubli. Jean Deltel peut dormir sur ses deux oreilles. C'est fini. On passe à autre chose, mais là... Il a gagné des points, puis... Mais Gérard, moi, je croyais pas vraiment à ce qu'il disait. Tu sais, il a l'air d'un petit gars inoffensif, puis il avait l'air inoffensif quand il a dit ça, tu sais. C'est peut-être un manque de charisme politique, ouais, hein, un manque de personnalité. Il veut foncer en chambre, je l'écoute. Il veut chialer pour sa paresse. Mais c'est pas un bon comédien. C'est un politicien, le gars, un très bon politicien. Ouais. Mais un orateur. C'est ça le truc. T'sais, normalement, un chef de parti, t'es supposé être capable de le suivre, même aller te garocher dans une falaise s'il t'a dit de le faire. Mais lui, il me semble, je le pousserais dedans, pas. Mais je le ferais pas. T'sais, il est comme. Non, il est pas charismatique, pas en tout. Non, ben il ça. Il a 97% d'appui. Pourtant, mais ça, il voulait pas avoir de chicane. Il y avait surtout pas de relève à la DQ. Donc, ils ont dit, quitte à avoir personne, autant avoir Gérard Deltel. Donc. Ouais. Fait que ça fait le tour des mises en demeure pour le moment. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont tomber aujourd'hui ou demain, la semaine prochaine. On se croise les doigts. Mais je m'excuse aux gens de la Beauce pour avoir dit que Maxime Bernier, j'avais pas peur de lui. Et j'ai extrêmement peur de Maxime Bernier. Dangereux. Hein? Oui, il était à Liberté Québec, puis il est allé où, à la première réunion du réseau. Ouais, lui, ça en est un. OK, on va faire autre chose. Donc, merci beaucoup, Maxime. Oups, excuse-moi, François Landry. Mise en demeure. Hey, mais François, tu veux-tu nous parler peut-être deux minutes de la pétition qui... Deux minutes maximum. Oh, et deux cher, maximum. Max. C'est une pétition. Quoi. Tout le monde dit que c'est Amir Kadhi qui l'a amené à l'Assemblée nationale. C'est faux. Le sponsorisé. La parrainée. Parrainée. Donc, on est dans le thème des parrains. Donc, c'est une pétition citoyenne née du Mouvement national des Québécois. C'est donc, mettons, François-Olivier, t'es tanné, toi, que le CRTC se mêle de la radio, c'est fou. Bon, ben, tu dis, on va faire une pétition. On va l'amener à l'Assemblée nationale. On va demander à un député de la parrainer pour que ça soit légal, parce que seuls les députés peuvent déposer une pétition en chambre, pas les citoyens. C'est pour ça qu'il est sur le site de l'Assemblée nationale. Voilà. Et c'est depuis quelques années seulement, depuis deux ans, que c'est qu'on fait ça sur l'Assemblée nationale. Donc, on dépose ça et on peut aller signer en ligne. Et la moyenne de signatures est de 2000 signatures à l'heure. Alors, pour c'est la signature. La dernière fois qu'il y a eu autant de signatures, c'est pour contrer le projet de loi de réforme des CPE en 2005. Il y avait eu 200 000 signataires sur plusieurs semaines. Là, ce matin, j'ai pas été vérifié, mais on était rendu à environ 200 000 pour aujourd'hui. Mais j'ai entendu une nouvelle, en fait, quelqu'un qui disait ça, je me rappelle plus exactement c'est qui, mais il dit Jean Charest n'a pas à s'en faire, en fait, parce qu'il y a plus de monde qui a voté contre aux élections que présentement, que non sur la pétition. La pétition a aucune force de loi au Québec. Donc, il peut ne pas la respecter, comme il peut très bien dire « Ouf, là, j'ai peur, 100 000 personnes qui votent contre moi, j'ai peur. » Mais une pétition, ça n'a aucune force de loi. Ceux qui font signer des pétitions sur les trottoirs, dans le centre d'achat, qu'on la signe ou non, c'est libre à vous, mais ça n'a aucune force de loi au Québec. Le but, en fait, c'est de l'espoir de faire changer les choses. Mais je pourrais vous en reparler la semaine prochaine jamais il y a des débouchés là-dessus, puisqu'il y a peut-être un effet d'essoufflement, mais pour l'instant, non. Et allez voir sur le site de l'Assemblée nationale, section pétition, vous allez voir les 50 pétitions qui sont en ligne. Vous pouvez toutes les signer si vous voulez. C'est facile à remplir, c'est rapide. Faites-le pareil, même si ça n'a pas de poids. Ben oui, c'est un geste citoyen, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, François. Cool, merci. Ben, ça me fait plaisir. Jeudi prochain, 8h30, pour une autre chronique Logocratie 101. Ouais, si mon avocat passe à côté de moi. Salut à Maxime, OK? Ouais, hey, tu peux nous amener un CD aussi, hein, photographié. Venez ici, performance live. Je suis pas sûr que c'est quoi que ça te ferait. Tu amènes des whippets. We'll be right back. La Baroque Machine et la pièce Pod tes affaires. Assemblage requis. Assemblage requis qui termine. Oui, qui tire à sa fin pour la semaine. Cette belle semaine qu'on vient de passer. Cette, je dirais pas longue, je vais dire belle. Jolie. Longue, belle. Sympathique. Ouais. Ben, longue. Longue et belle. Une grande belle semaine. On se retrouve lundi. Mais, lundi prochain, 7h. Oui, qu'est-ce qu'il va y avoir lundi? Lundi, Stéphanie Gagné, pour sûr. Oui, avec la chronique Take Me Out sur les sorties spectacles. Exactement. T'as pas un nouveau chroniqueur qui s'en venait lundi aussi, il me semble, non? C'était pas quelque chose qui s'en venait lundi, ça? J'ai dit oublié. Bientôt. Bientôt lundi. Oui, oui, on va recevoir Dave. En fait, il va nous parler des lundis de l'humour. Ah! Donc, ça va être fort intéressant. J'en doute pas du tout. Et puis... c'est à peu près ça, je crois. C'est un fait. C'est un fait, oui, il va être de retour lundi, bien toujours évidemment. Toujours intéressant. D'ici là, restez à l'écoute de C'est fou, hein, aujourd'hui, parce qu'il y a plein de bonnes choses. Tout à l'heure, à 11h, il faudrait pas manquer le dîner de con avec Danny Janvier. Il va recevoir notre ami Simon Fétidé avec sa chronique Le Scout des Internets. On va parler, entre autres, des Beatles là-dedans. Ensuite, il va y avoir une dose d'estrogène pour de la musique et des suggestions de sortie. Moi, je vais être de retour à 14h avec Stéphanie Gagné pour animer les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Puis votre soirée continuera avec Stéphanie encore pour une pêche en mission, La Spirale, Skypanka et Simon sera de retour avec la saveur du moment à 21h. Passe une belle fin de semaine, François. Vous aussi, Mathieu Plante. Un petit peu de Call of Duty Black Ops, toi? Je vais essayer. Oui, certainement, je vais essayer de tendre. Un petit peu de temps, prends ton temps pour ça. Ouais, me reposer, en fait, aussi. Moi, je vais jouer à GoldenEye. Ah oui, sur la Wii, tu l'as acheté. Oui. T'aimes ça? C'est oui. Bon? Ah, c'est bien fait. Ouais, c'est... Moi, j'avais beaucoup, beaucoup joué au Nintendo 64. Et c'est t'as du fun à redécouvrir justement les cartes qui ont été refaites. C'est vraiment très très bien fait. Moi je pense que je vais me taper, peut-être faudrait que je me tape le Scott Pilgrim, j'ai reçu mon Blu-ray DVD, mais j'ai pas encore de lecteur Blu-ray, fait que je vais me taper le DVD temporairement jusqu'à temps que les bonus m'attendent sur le Blu-ray un jour. Sinon, ben vous, ben faites donc ce que vous voulez. Tu sais, moi je vous dirai pas quoi faire à la maison là. Hein? Faites ce que vous voulez, puis on se retrouve lundi, 7h, heure de l'Est. Bye. Bye bye. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.